Le parti progressiste pour la renaissance du Nigeria a élu le dirigeant Kim Jong-il, dirigeant national d'honneur. Le 10 janvier a eu lieu à Abuja le service de remise du diplôme. Y ont participé des personnalités du Parti progressiste pour la renaissance, du Parti progressiste populaire, du Comité national d'études du kimilsonisme et de l'Association d'amitié Nigeria-Corée, ainsi que l'ambassadeur coréen et ses collaborateurs. Les participants ont tout d'abord déposé les bouquets de fleurs devant le tableau de peinture figurant le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il. Le président national du Parti progressiste pour la renaissance, Gu Su-il Eun-hasi, a transmis le diplôme à l'ambassadeur coréen Chung Yong-chul.